aucun connexion de querelle. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. On vous conseille pour la paix. Alors, recevez aussi les conseils de la paix. Ce sont ces conseils de la paix qui vous conduiront dans la sagesse. Oui, bien-aimé frère. Évitez d'avoir de mauvais conseillers. Faites place écrivez ça. Évitons d'avoir de mauvais conseillers. Évitons d'avoir de mauvais conseillers. Tu katale kuya na bashauri babaya. Évitons d'avoir de mauvais conseillers. Oui, bien aimé frère et soeur. La Bible est pleine. Bible est pleine. Des exemples de mauvais conseils. Nous pouvons donner beaucoup d'exemples. Quand vous prenez 2 Chroniques au chapitre 22, vous trouverez Atali, cette femme méchante qui conseille son fils d'une mauvaise manière. Écoutez ce que dit l'Écriture. 2 Chroniques au chapitre 22. Akazia. Je commence au verset 3, au verset 2. Jusqu'au verset 4. Écoutez. Akazia avait 42 ans lorsqu'il devint roi. Il est Jérusalem. Parce que les méchants n'ont pas une longue vie. Quand vous recevez des mauvais conseils, des mauvais conseillers, c'est un meurtrier. Ici, c'était sa propre mère. Utawezi kuya mama mubaya. Utawezi kuya baba mubaya. Utawezi kuya na mama mubaya. Utawezi kuya na baba mubaya. On a toujours vu dans les foyers. Faut trouver une sœur mariée. Eko na mama yake mupagano. Mwenye kuya na makarakteristiki yote ya shetani ndani yake. Karakteristiki du diable ane. Mais ule tata bila ekima. Eko na mutumainia telma mama yake. Sa mère qui l'a dit. Non, bien aimé frère. Ce n'est pas ainsi que nous devons évoluer. Là vous comprenez mal les écrits. Honore ton père et ta mère. C'est un commandement divin. Et ton père et ta mère doivent t'instruire selon Dieu et non selon les coutumes des hommes. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs.

muntu yote mui dunia hii anekalaka paka na bantu ya kweli bana mupenda na anekalaka na bantu wana muchukia mekafu reseme un conseil wakati unapokea shauri verifie le conseil italeta salama mujama yako au italeta fujo mujama yako dans ton foyer des troubles. Pourquoi accepter un conseil? Il est mort comme la coupatia yo. Ye anenda mukitanda yake na bwana yake beko na cheka. Il avait en paix avec son mari. Mais weye na bwana yako muko mukitanda mari vous retrouvez maintenant dans des disputes. Vous gagnez quoi dans ce temps na pakia moni mule mashauri ya vile. Comment vous pouvez accepter un conseil d'un frère? Un conseil qui te conseille mal. Et alors shauri mubaya. Vous voyez bien mes frères. Na ona tukumpendo. Il y a encore d'autres qui l'ont vu. J'ai vu. Il y a un ami. Gomez est son ami. Maintenant, Gomez est son ami. Gomez a sa femme. Il convoite la femme de Gomez. Mais maintenant, Sasa. Il donne de mauvais conseils. Il donne un empathie à ma chavri Moubaï. À Gomez, il tourne encore. Très élevé. Parle-moi, mon attendez, on a seul ventre autre, on a frayé. Parce que tout le monde est content de vous. Baba, il y avait connaissé ma Banetion Asana. Mais si Dieu bénit quelqu'un, un cœur honnête doit prier pour ce foyer-là. Mais le méchant ne prie pas pour ces gens-là. Parce qu'ils sont méchants. Vous voyez? Il prie pour que le malheur arrive à ta femme, t'arrive toi-même, arrive à ton foyer. La Bible dit, le cœur de l'homme est un puits profond. Qui peut le connaître? Non, t'as pas besoin de checker ça, mais pour la maman, y a quoi? Apparemment, c'est le juge avec toi. Les mauvais conseillers, on est un mauvais conseil. Et quand vous recevez c'est pour ta perte. Sachez-le, mon frère. Sachez-le, ma soeur. Oui, bien, mes frères et soeurs. Nathalie, une mauvaise femme. Qui donnait à son fils de mauvais conseillers. Des conseillers impies. Oui, bien mes frères. Il y a une autre femme. Comment que vous pouvez lire dans deux, dans 1er roi chapitre 29. Je n'ai pas le temps de le lire. Au verset 5 à 6. C'est Jézabel. Une femme méchante. Qui donnait à son mari des conseils impies. bien mes frères. Huko bantu bengine aina sema ni mandoto de banque mais des gens qui existent réellement. Bibi eko na conseil bwana yake bitu bibaya eko na furahiwa basi kama bwana yake eko nenda kuiba bintu eko nenda kukombana bantu ye anafurahiwa eko naona kusema bwana yake eko mkalamushi. Il y a des femmes qui sont habitées par les esprits des ténèbres. Et Jézabel est un exemple. Comment une femme a-t-elle voulu vous conseiller? Où est le Seigneur? Quelqu'un qui ne t'a pas fait du mal. Quelqu'un qui est en paix. Où est Dieu ou rien de vous congolander? Mais tu n'as pas qu'à où est où est Dieu ou rien de te la compliquer? Il a tabassé ton créancier. C'est compliqué ça. C'est une méchanceté. Il est ni ouvou ni oukali. Il ne faut jamais accepter n'importe quel chrétien. Mon Christ, un chrétien, à la qui dit oui, n'est pas. Mon Christ, à la qui fofou, n'est pas veuve. Baba yake kona macho, baba yake kona mashikio, na mtoto wa Mungu anashikiata, na anaonaka. Mungu yake alimula bwana penda kutembelea. Il veut bien marcher. On n'accepte pas n'importe quoi. Allez, mais tu as quelque chose de tout bien, on est chaud, on est chic. Akaba naenda kukuta Naboth. Est allé trouver Naboth. Na mashamba yake. Ile wazazi yake walimpatia. Son héritage. Uriti yake. Anaenda kusolicite mashamba. Akaba est allé sur. Akaba na Naboth anamwambia. Siwezi kukabula. Siwezi kukabula. Uriti ya wazazi yangu. Un héritage. L'héritage de mon père. Il défendait l'héritage. Comme un véritable chrétien. Christ soit. Toi défendre la vérité. On n'a pas son combat. L'héritage est chrétien. C'est la parole. C'est la vérité. C'est la vie. Nous n'avons pas son combat. Nous devons combattre pour ça. Son combat est un jour. Il est. La botte a refusé. La botte a dit je ne peux pas faire ça. Jouez-y pour toi. Mais cet efféminé, il trouve sa femme, qui lui dit non, écris une fausse lettre. Dis à qui se rabote, qu'il a maudit le roi et qu'il a maudit Dieu. Il sera lapidé et moi je vais te donner ce chambre. Quelle méchanceté! On ne peut pas accepter ça. On ne doit pas. Tu ne dois pas voir une femme qui t'apprend à vivre malhonnêtement. Non, bien aimé frère. Qui t'encourage à vivre malhonnêtement. À t'affaire de traiter, travailler indigne. Non, bien aimé frère. Un chrétien fait un travail honorable. Amen. Ne fais pas n'importe quoi. Frère Mouijo Amazou, frère Mouijo Mankamba, frère Escro, et ta femme, et qu'on a encouragé pour te dire, c'est une mauvaise conseillère. Akaba était une très mauvaise. Akaba est dans le Mbaya. Il y a un autre, c'est Roboam. Dans le premier roi chapitre, il a eu des vieux conseillers. Des conseillers sages qui étaient expérimentés. Il y avait ceux qui avaient le roi, son père. Mais quand lui il est venu, les jeunes gens de son âge, Babiane, Barafiki, Barakumasomo, ses jeunes amis, Barafiki, Barakumasomo, Aïna Masomo, il a l'état qu'à Kiri Kouamoutou, Aïna Masomo, il a l'état qu'à Kiri Kouamoutou, un sage homme, Babi Wele Wele Bamin, Natoubantoum, Batouaming, Tonaoumé, Tonaouké, Tuna Kumasomo. Des études d'université et même des écoles. Mwarimu prostituée. Mwarimu dumba. Atalenta qui va comme tout le monde. La sagesse peut-il donner à quelqu'un d'autre? Ma somme, tout qu'on a tout ma pour attendre les enfants. Tout qu'on a une funda, mais tout y a cage. Tout y a moussa dans le monde. Aïna pour ma somme, qu'on a tout le monde à la funda et Kima. Et Kima, il ne faut pas qu'on gagne en Saoudi à Mouru. Amen. Attends qu'on licencie. Sois licencié. Attends qu'on gradue. Sois gradué. Attends qu'on aille, attends qu'on aille. Attends, on est chacun de la journée de Mouchima. Mais où qu'on a voulu mettre sur Amungu, aïe, Funda, t'attaques au école primaire. Mais l'un de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, c'est celui-là qui doit te conseiller. Amen. Il y a de la sagesse, il y a de l'intelligence. On voit les professeurs de l'université. Il n'y a pas de méchants gens comme les professeurs de l'université. Tellement que ça vilait. Nous folie à connaissance. Allez, ça coûte Wassana. Il devient ingénieur dans le mal. Allez, ça coûte Wassana. Frère, il n'a pas qu'on a foi, il n'a pas tout mis par Yassana. Ils font des choses qui sont tellement mauvaises. Ils font des mauvaises choses. Des choses impies et abominables. La crainte de Dieu a disparu dans leur cœur. Et ces gens-là ne peuvent pas donner quelque chose de bon genre. Non, bien aimé frère, la sagesse est avec ceux qui craignent l'Éternel. Accepte d'être en compte. Pas n'importe qui. Vous voyez bien mes frères. Roboam va suivre ses collègues. Roboam ses amis du quartier. Ils lui ont donné des mauvais conseils. Il revient. Il répond au peuple durement. Méchamment. C'est lui-même qui a divisé son royaume. Il y a beaucoup de frères, il y a beaucoup de sœurs qui agissent comme des insensés. Vous voyez bien mes frères, on avait un conseil, tu vas apprendre. Il a coulé à Lufu, il a coulé à Fujo. Où qu'on a Baba Yako, où qu'on a Mama Yako, on a coufouli chaque moussoul, on a coupenda, et qu'on a coufouli chaque moussoul. Où est-ce que conseil à Baba Yako, à Mama Yako, où est-ce que conseil à tout barafique comme un somme des amis, des très condisciples de l'école. Qui tu as comme Koumaïboué, Amouna Samaï comme Koumaï. Tu ne réfléchis pas correctement. Quelqu'un qui n'a aucun intérêt pour ta vie, quelqu'un qui n'a pas souffert pour toi, quelqu'un qui ne souffre pas pour toi, Baba Yako, Dieu va confondre, Dieu va confondre, la mère souffre. Mais tu abandonnes le conseil sur une mère pieuse, d'un papa pieux. Vous n'êtes pas foi, ça tu m'as conseillé comme parabane. C'est même la collègue, frère, papa va déjà vous commettre. Les parents ont déjà vieilli. Maintenant, c'est une autre génération. Une génération s'en va, une autre arrive. Il croit qu'un passage, c'est un fou, c'est folle. La parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Dieu est une vérité éprouvée et purée. Elle est éternelle. Elle ne dépend pas des générations. Ma génération est ma génération est à couille. Mais la parole de Dieu et le conseil de la parole restent les mêmes. Celui qui le suit sera béni. Il marchera dans la sécurité. Oh non, nos frères. Ce sont les jeunes avec qui on a étudié. Non, bien mes frères. Ce sont les jeunes gens. Il y a beaucoup de jeunes sœurs. Il y a beaucoup de jeunes frères qui sont détournés par les amis d'enfants. Qui sont détournés par les collègues. On a toi Kumulango Yako. Kumulango Yabazaz. Bikira. Valéla Kwalabisha. Bikira Mabonde. Dans des vallées. Bon, pas fou, mon amour, qu'est-ce que tu dis? Ben, il est là, on a beaucoup d'étendre. On a beaucoup d'étendre. Les unes n'ont pas signé. Alors que toi, tu as gâché. Vous n'avez pas de valeur. Vous avez seulement la valeur d'un chien. Et du chien. Mais non, mais il a l'image de Dieu. Il a la représentation. l'exaltation de Dieu en lui. Et la nation de Dieu. Oui, bien aimé frère. Où la toi quoi nous moussouli. Je vais prendre la commune de Mariamba, ma pompe, ma loutoukou, ma roche, couvre ben diaco, pato tabandoumba. Les enfants, les enfants. Et les clichés. Vous piétinez. Les posés d'un personnage. La vous récolterez. Vous recevez de mauvais conseils. On a poké ma chaouri moubaya. Pour votre destruction. Vous voyez bien mes frères. Non, on a un peu de vous voyez bien mes soeurs. Non, on a un peu. C'est une honte. Haya. Une très grande honte. Haya, mon coubon. Nos filles. Babinti et tout. Nos jeunes gens. Babiana et tout. Quand on va en tomber là-bas. On va les rendre grosses. Non, non, non, non, non. La vie, ce n'est pas correct. Nous t'entendons en Christ. Et pas la demande de ma capote. Il se promène avec. Parce qu'il a trouvé de mauvais conseillers. Et de mauvaises conseillères. Non, bien aimé frère. N'ayez jamais de mauvais conseillers. Les mauvais conseillers vous conseilleront pour ta perte. Quand vous trouvez un bon conseiller, Patiana et Kumpembeni Yako, Atakou Saïdia, Atrandre Maïcha Yako Reus, oui, mes frères et sœurs. Il y a eu un autre mauvais conseiller qui avait changé. Parce que même les bons conseillers peuvent changer un mauvais conseiller. Achitophel était un bon conseiller de David. Absalom détrône son père. Il chasse son père de son trône. Achitophel, qu'il voulait pas les souffrir avec le main de l'Éternel. Il ne voulait pas. Vous voyez, il voulait rester avec Absalom parce qu'il s'était investi roi. David fouille devant son fils avec le reste de sages qu'il fait. Il lui faisait confiance. Ah, il te fait qu'il ne voulait pas aller avec David. Il est resté avec Absalom. Un méchant, un mauvais esprit est tombé sur lui. Il dit maintenant pour affermir ton royaume. Là-bas, tout le monde va lui accuser. Il a l'air qu'il a caché entre Baba Yakonawe, entre toi et ton roi. Où mon palais royal? Dans le verre, Baba Yakonawe, David Yakonawe, Baba Yakonawe. Là, au Katikati avant tout le monde. Quel mauvais conseil! C'est un très mauvais conseil. Il est quoi le semblable au conseiller d'Amnon. Il avait conseil de coucher avec sa soeur. Ce sont les choses qu'on ne doit pas accepter. Un chrétien ne doit pas accepter. Comment coucher avec les femmes de mon père? J'ai au reste Achitophel savait cela. N'inspirez pas les démons. Il a donné de mauvais conseils. Un chrétien discerne chaque conseil. Parce que les bons aussi peuvent être des mauvais. Le diable est très rusé. Il peut utiliser n'importe qui. C'est pourquoi vérifier cela. Ne prenez pas n'importe quoi, n'importe quoi. Non, bien aimé frère. Même si c'est un conseiller, c'est une conseillère. Anna Koubaka, pas ma conseillère, bien. Aïsène, il faut quoi, tu caillotes, ça vous voulez couler en pompe. Comme si tu étais ivre. Non, bien aimé frère. Il faut toujours discerner. Il faut toujours exagérer. Il faut toujours être sous vos gardes. N'a pas chopin mouillé. Pas à tout la combine. Nous sommes pas encore. Vous les chétagnes quand t'as voilà pas tout côté. Il n'est qu'un personne. Achitophel lui a donné des mauvais conseils. Vous lirez cela dans 2 Samuel. Au chapitre 20, au chapitre 16, verset 20. A commencer par le verset 20. Vous les lirez à la maison. Vous voyez, non. Comment quelqu'un peut te conseiller? Où l'aller dans le Kibuyako? Où l'aller dans le Kibuyako? Pas de Konaman. Où l'aller dans Mama Yako? Pas de Dieu Yako, pas ta puissance. Ce sont les puissances de l'Union. Yako, pas ta main. Ça se trouve parmi les usages humains. Là, la mama Yako, tu as ta main dans le cage. Là, la mama Yako, tu as ta main dans le cage. C'est pourquoi, frère, je commande en doucou. Soyez toujours influencé. Il a marre au pâté pour vous, toi. Par la parole de Dieu. La parole de vérité. Soyez toujours influencé. Il a marre au pâté pour vous. Dans le bon. Moubique du sourire. Croyez bien à mes frères. Soyez influencé par des chrétiens. Soyez influencé par des foyers chrétiens. Croyez bien à mes frères. Comment on a son moula Kousema? Et cela devient maintenant mon ami. Je me fais ami. Parce qu'on me fait un bon. Dans les bons. Il me donne des bons conseils. Oui, bien aimé frère. Kanisa ikon a la bika. Maïcha y a bantu ikon a la bika. Maïcha ikon a la bika. Tu vas entrer pour le coquin. Maïcha ou nous parle. Mauvais conseil. Ça ne doit pas être ainsi. Allez, je vous l'ai dit, tu ne vas pas être panique. Non, bien aimé frère. Paul disait à Timothée. Paul en a monné à Timothée. Deuxième Timothée. Timothée va pire. Chapitre 3. Dans son verset 10, ce que tu dis. Pour toi, Timothée. Timothée. Tu as suivi de près. Une fois mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, ma fermeté, il était ferme. Paul enseigne à Timothée. C'est moi qui t'ai engendré dans la foi, dans l'évangile. C'est moi qui suis ton père. Et tu sais les enseignements que je donne. Tu connais bien ma vie. Tu sais ma conduite. Tu connais bien ma conduite. Tu connais mes projets. Quand je suis avec toi, oui, bien aimé frère. Tu connais ma foi. Dans les choses. Pourquoi j'ai toujours des Timothée, tu me connais. Tu le sais. Tu sais ma douceur. Tu sais mon amour. Comment j'aime Dieu. Comment j'aime l'église du Seigneur. Tu connais ma constance. Ma fermeté. Je n'ai pas de compromis. Timothée, tu sais cela. Frère. Ma soeur. Il faut imiter les bonnes choses. Dans 1 Corinthiens. Chapitre 11. Dans le verset qui tu dis. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Imitez un homme de Dieu. Qui est influencé par la parole de vérité. Par l'esprit de vérité. Par Christ. Voilà un homme qu'il faut imiter. J'ai voulu. De ce que vous vous souvenez de moi, tous les gars. Vous voyez. Quand vous avez un homme de Dieu, on est des correcteurs. Quand vous parlez, dites comme l'homme de Dieu. J'ai aussi être comme lui. J'ai marché comme lui. J'ai la parole comme lui. Combiner le amour, vous savez. Oui, bien, mes frères. Là, on a un coup de doigt. À Panaway, ou qu'on a l'état d'exemple, Paca, Yabantoua, la Ouyouak, Balamaya, Isha Kanavo. Et tu n'as jamais vécu, tu n'as jamais vécu. Tu ne comprends absolument rien. J'ai vécu tout. J'ai fait, j'étais lourd. De ce que vous vous souvenez de moi, à tout égard, et de ce que vous retenez mes instructions, rien que je vous ai donné. Batoto Yamou, Bekon Apoke Yama Shaouli, Mafundisho, Bakavil Amba Bene Ileta. Telles que nous sommes données. Apoto la Fundisha de mon anglais. Ici, nous enseignons pas en anglais. Ce n'est pas par des mystères. Aïna Kopitia Masiri, Mafumba. Mais si vous recevez ces paroles, votre vie sera mystérieuse. Ce sont des paroles simples, mais qui amènent une vie mystérieuse. Vous voyez, quand le diable voit, il fuit. C'est vrai, bien aimé frère. Imitez les bonnes choses. Comme les dit Jean. Dans le troisième Jean. Oui, bien aimé frère. Un chrétien sait imiter les bonnes choses. Troisième Jean. Au verset 11, ce qui tu dis. Bien aimé. N'imitez pas le mal. Mais le bien. Celui qui pratique le bien est de Dieu. Et celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Soyez influencés dans le bon. Soyez influencés par la parole. Ayez de bons conseillers. Éloignez-vous de tous les mauvais conseillers. Oui, bien aimés. Imitez les bonnes choses. A pas la parole d'œil. On a un antoukouyako. On a un commence à jeter un chrétien, on le témoigne. Attention, frère, ah, c'est un bon. Attention, là, c'est un chrétien. Vous les frères, vous les dada, vous les dada, vous les dada, vous les dada, vous les dada, vous les dada, vous les dada. On n'est pas seulement là pour critiquer. Voilà en mal tout ce qu'un homme fait. Non, la bénédiction de Dieu, on la loue. La bénédiction de Dieu, on la reconnaît. La protection de Dieu, on la loue. La protection de Dieu, on la loue. On la reconnaît aussi. Oui, bien aimé soeur. Soyez influencés par de bonnes choses. Écoutez ce que faut dans l'influence de notre. Avant de quoi, écoutez ce qu'il dit. Au paragraphe 57 et 58. Écoutez. Donc l'influence, nous voyons que la vie d'Osias influence ce prophète. Osias construisit des murailles. Il se fortifia. Il les prit aux Philistins. Les terres et les possessions qui leur appartenaient. Si bien que sa réputation se répandit jusqu'à l'Égypte. Et laissez-moi vous dire que dans toutes les chroniques de rois, il n'y en a eu point à part Salomon.

cet été. Depuis l'été, avant la montagne, comme montagne, il a dit, ça c'est de la folie. Ouais, mes nommés frères, peut-être il ne sera pas populaire. Prenez votre choix. Et maintenant, les gens doivent faire leur choix. Soit, voilà, vous agissez comme le reste des gens. Soit, voilà, vous agissez comme le reste des gens. Soit, voilà, vous voulez être béni de Dieu. C'est ton choix. Maintenant, vous pouvez faire votre choix. Si vous voulez vivre comme le reste du monde, vous serez béni d'eux. Mais si vous tournez, tous vos désirs vers Dieu, vous serez béni de Dieu. Et vous devez donc faire votre choix. Qui vous voulez servir, comme le prophète l'a dit. Oui, bien-aimé frère. Mais l'écriture dit, souviens-toi de ton créateur premièrement. Souviens-toi de ton créateur. Oui, bien-aimé frère et soeur. Si vous voulez être influencé par le monde, c'est ton problème. Mais un chrétien imite le bien. Il est influencé dans le bon. Il a de bons conseillers. Il reçoit de bons conseils. Des gens qui lui conseillent pour la paix et non pour sa destruction. Oui, bien mes frères et sœurs. Il n'y a pas de sagesse. Il n'y a pas d'intelligence en dehors de la parole. Il n'y a pas de conseil en dehors de la parole. Que ça fait de n'importe qui. Attachez-vous à comme cage. Et qu'on a coupé à ma conseil et un pis. Tu ne dois pas accepter cela. Oh, comme la katala. Attends, il pendiche. A katala, le pendiche. Mais où ta panda qui a combi. Vous voyez, bien mes frères. On ne doit pas vendre la foi. On ne doit pas vendre les lames. Dieu habite la mouille. Des choses du monde. Oui, bien mes frères. Où qu'on a monté comme conseiller Mbaye. Moi, la mouille, qu'on a conseillé Mbaye. Les femmes là qui te donnent de mauvais conseils. Parce qu'elle a coupé Kabunga. Et puis vous êtes obligé d'accepter tout. Et non, on a laissé obligé. Oh, frère, il y a une valise à Ibiaga. Dans la cata, la chauri, la chèvre. Alors, il t'a figé à Wapi. Dieu prend soin des siens. C'est pourquoi il est écrit, je n'ai jamais vu un fils demander son pain. L'Éternel, il est écrit, l'Éternel ne laisse pas souffrir de faim les hommes justes. Oh frère, parce que c'est lui. Alain Panan Jacques Mangou. Alain Jacques Bilato. Bien toi, il faut que tu aies vu la vie. N'a pas ton d'un bon pied comme ça. Je vais même payer les frais scolaires pour mes enfants. Ce n'est pas ça une garantie. Il est Alain Jacques Kicho. Non, bien aimé frère. Soyez influencés dans les bons. Ayez de bons conseillers. Recevez de bons conseils. Et ne soyez pas insensés. Éloignez-vous de tous les mauvais conseillers. Des conseils contre la parole. Des conseils qui ont en vous la crainte de Dieu. Des conseils qui vous poussent à tenir la parole de Dieu. Non. Que rien au monde. Ne vous détachez de la parole de Dieu, de l'influence divine. Oui, bien mes frères. Voilà pourquoi il a été un bon. Osiens, est un bon pour Esaïe. Regardez dans cette église. Il y a ce frère, il y a cette soeur, ce foyer qui est en paix, qui prospère dans la foi. Que cet homme, que cette soeur, que ce foyer-là soit votre modèle. Imitez cela. Oui, bien mes frères. Dans Hébreu. Oui, bien mes frères. Imitez toujours le bon. Fuyez les mauvais conseillers. Hébreu chapitre 13. Dans le verset 7, l'écriture dit. Dit ceci. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été leur fin, quelle a été la fin de leur vie.